Bonjour Libreville. Africa numéro 1, le tam-tam d'Afrique. Air Gabon, la meilleure solution. La RDG, notre chaîne nationale. Libreville, rue de la liberté. Libreville, pour la rue l'Atlantique. Libreville, en Afrique centrale. Libreville, la capitale du Gabon. Hôtel Atlantique. Une référence à Libreville. Sur le large de l'Atlantique, tu rayonnes Libreville. Au lever et au coucher du soleil, toujours si splendide. Les nuits très envoûtantes, ville d'ambiance Libreville. Des occupants et visiteurs restent pour toi de ta chaleur. Le Diabolo chez Fofana. Accueillante au Libreville, c'est pourquoi tu abrites des jolies nanas et beaux garçons si ambitieux. Hommes et femmes d'affaires pour un télo entreprenant, la gaieté, la bonne humeur toujours présent à Libreville. Libreville, rue de la liberté. Libreville, au large de l'Atlantique. Libreville. Il y a un beau match au stade Omar Bongo. Après le sport, rendez-vous au Roscos. La détente assurée. Ton hospitalité a débordé tes frontières. Tu reflètes la splendeur de ton peuple au Libreville. Tu accueilles les étrangers sans distinction sur ton sol. La liberté, la capitale du Gabon, oye! Libreville, ville de la liberté. Libreville, au large de l'Atlantique. Libreville, en Afrique centrale. Libreville, la capitale du Gabon. Bodega Club, Coton Club. Et l'excellence. Et c'est vraiment l'ambiance à Libreville. Couloir de la mort, un coin pas comme les autres. Il a un Night Club à la la la. Libreville, c'est là qu'était Libreville. L'hospitalité. La la la, à gauche ou à droite. N'embarquez les glaces de l'Orélie. D'un bolo à mon boîte. C'est la vie à Libreville. Libreville, c'est la gaieté. Libreville, l'hospitalité. Rendez-vous à l'aristocrate, à l'oxygène et à l'amiral. Jones Club et Marina, c'est l'ambiance à Libreville. Libreville, c'est la gaieté. Taxi Clando, toujours à la page. Chauffeur, amène-moi au Carrefour Léon Bay. Sans oublier de passer par le Carrefour IAI. À Cocotier, à Tibitos, Petit Paris, on danse. Midi.